Selon le journal d'internet sud-coréen Tazu Sibun, l'action du peuple contre la guerre et pour la paix a tenu le 19 courant aux alentours de l'ambassade américaine à Séoul une conférence de presse contre les ministres américains et sud-coréens des affaires étrangères et de la défense qui ont tenu un conciliabule pour une pression sur notre république.